والله أعلم. طيب وأين تريد أن تذهب أنت يا يوسف؟ Où veux-tu aller toi ou Youssouf? Je veux aller à Londres. Alhamdoulilah, c'est cool. Alors, tu veux aller à Londres, le Baladik? Ne veux-tu pas aller à ton pays? Catastrophique. Oui. En effet, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas aller dans mon pays cette année. Je veux aller en Angleterre pour étudier la langue anglaise là-bas. مدرس يقول: ألا يمكنك أن تدرس اللغة الإنجليزية في بلدك؟ n'est-il pas possible d'apprendre la langue anglaise dans ton pays؟ نعم، لا يمكنني ذلك الآن. ذلك الآن. لا يمكنني ذلك. لا نعم لا يمكنني ذلك الآن. لأن. أيوة. نعم. لأن أهل بلدي يدرسون اللغة الفرنسية ولا يدرسون اللغة الإنجليزية. Il dit, en effet, cela ne m'est pas possible, car les gens de mon pays apprennent la langue française et n'apprennent pas la langue anglaise. Je ne sais pas s'ils disent يدرسون ou يدرسون. Je pense que c'est Yadrosun plutôt. Darrasa, on n'a pas compris. On n'a pas compris, c'est bien. Donc c'est Yadrosun, c'est étudié. Amdorri, c'est cool. Fi ay kulliyatin turidu wa tadrusa fi l'am el mukbil ya Marwan. Donc dans quelle faculté veux-tu étudier l'année prochaine au Marwan? Uridu an adrasu. La. Adrasu. Adrusa. Adrusa fi kulliyati shariati. Non, je voudrais étudier dans la faculté de la législation. في أي كلية تريد أن تدرس أنت يا موسى؟ Dans quelle faculté veux-tu étudier toi au Moussa؟ لا يمكنني أن أدرس بالجامعة في العالم في العام في العام المقبل في العام المقبل ذلك لأنني مريض وأريد أن أذهب إلى الولاية ولاية الولاية الولاية المتحدة المتحدة للعلاج كاتاستروفيك سيتو بابا سا سي بوندا دوتي او فرون انغلي دوتي بي سان فون استاز اوني سا ات كو ابري دوتي فير ان اركيولوجي ان استراليا Donc ça يقول لا يمكنني ان ادرس بالجامعه في العام المقبل دونك يدي il ne m'est pas possible d'étudier à l'université l'année prochaine. Am, c'est sana. Vous voyez, am, c'est sana, c'est une année. Cela, car je suis malade et que je veux aller aux États-Unis pour me soigner. Vous allez, c'est cool, je fais à Allah. Qu'à nous te guérisse. Ya, Oustad, ya, Kadou, Jaras, Al-Jaras, Yarinou, Yarinou, Arjou, an tasmah lana. بالخروج الآن قبل أن يخرج الطلاب الآخرون. نعم. دي يا أستاذ. La sonnerie est sur le point de retentir. J'espère que tu nous permettras de sortir maintenant avant que les autres élèves ne sortent. Donc Arjou, c'est Rajé Arjou, c'est espérer. وتسمح c'est سمح يسمح c'est permettre, excuser, accorder. Et خروج معروف c'est مصدر de خرج يخرج. وآخرون c'est le plural de آخر. Et tu dis رجل آخر رجال آخرون جمع ذكر سالم. نعم les autres quoi. بقي ثلث دقائق يمكنكم الخروج الآن. اخرجوا بهدوء. Il dit il reste 3 minutes. بقي c'est fier qui veut dire rester. Voyez يمكنكم الخروج الآن. Donc يمكن c'est de أمكن on dit être possible. Donc il vous est possible de sortir maintenant. اخرجوا بهدوء صوتي avec calme. هدوء ça veut dire calme. Chéri, dans ces kutub, il y a un wala, un bara, il d'arrive jiddan avec les koufars. Azib jiddan, là. Il n'incite pas les gens, tu vois, se pocher des pays d'islam ou. Trop de. Dunya. C'est C'est parce qu'aussi il y a beaucoup de toulèbes là-bas étrangers, tu vois. Mais au contraire, ça se passe une darwa justement pour prendre ces toulèbes étrangers et les faire en sorte que l'amour de l'islam, des pays de l'islam, rentre dans leur cœur. Le ça, ils envoient Londres, New York, Paris. Donc, l'état de Tamarin, elle est awel. Il bait. طيب طيب الثاني يقول إكرم قاله هميون للمدرس ثم يملى الفراغات فيما يلي على ضوء ذلك. Donc il dit ce qu'a dit Humayun au professeur, ensuite remplit les vides en suivant l'exemple, en t'éclairant de cela. Celui-là aussi tu vas faire à la maison, parce qu'il y a un texte. Ça y est. Et l'exercice 3 et le 4, on n'en a pas besoin. C'est un truc normalement qui est lu entre le Stez et le Toulèb. C'est du blabla. Toyeb. On va rentrer directement dans le 6. Donc là, il veut t'apprendre à employer un. Attention, c'est pas Anna. Vous voyez, c'est An, c'est aussi un harf nazm. Parmi les huruf, voyez, qui rentrent dans le verbe, sur le fial. An, c'est un harf qui est khas bil fial. C'est spécifique au verbe. Il n'y a pas de an avec les noms. Et c'est un harf nazm. Ça veut dire que le verbe qui vient derrière, il va être mansoub. Voyez, il va être mansoub. Et aramat al nazm, le signe du nazm, d'origine, c'est quoi? C'est la fatha. Et ce an, il vient pourquoi? Pour faire une jonction entre deux verbes. Nous, en français, on n'a pas ça. On fait directement les deux verbes ensemble. Tu dis, par exemple, je veux aller au masjid. Ben là, en arabe, c'est obligé de mettre un entre le verbe vouloir et le verbe aller. Tu veux dire quoi? Uridu an adhaba ila masjid. Vous voyez? Uridu an adhaba ila masjid. Par exemple, tu dis, je veux m'asseoir. Uridu an ajlisa. Ainsi de suite. Donc, il permet de quoi? Comme on a dit, de faire la jonction entre deux verbes. Ben, c'est l'un, il dit... Uridu an adhaba ila al-mustawsaf. Donc ça veut dire quoi? Je voudrais aller au dispensaire, à l'infirmerie. Nasitu an akula laka shay'a. Donc nasitu, ça vient de nasiya qui veut dire, rappelle, oublier. Dis, j'ai oublié de te dire quelque chose. Vous voyez, an akula laka shay'a, de te dire quelque chose. Uridu an ahfaz al-Qur'an al-Karim. Je veux mémoriser, vous voyez, le Qur'an al-Karim. Rabian, nasitu an aktuba adersa. J'ai oublié d'écrire le cours. Donc, on se traduit par deux. Ou deux apostrophes. Non, mais c'est obligatoire. Attends. Donc, j'ai oublié d'écrire le cours. Khamisan, uridu an adrusa lughatil arabiyata liyanna lughatul Qur'an al-Karim. Ça, c'est une belle phrase. Je voudrais, ou je veux, étudier la langue arabe, car elle est la langue du Coran et le Karim. C'est des phrases comme ça qu'il faut qu'ils mettent plus. Plutôt que je veux aller apprendre l'anglais ou le français. Sadisan, nuridu an nas'alaka su'alan ya ustaz. Nous voulons te poser une question au professeur. Sabian, aturidu an takula li shay'a. Veux-tu me dire quelque chose? Faminan. Yuridu Ahi an yadrusa bil jamiat islamiya. Donc mon frère veut étudier à l'université islamique d'El Medina. Tasian nasitu an aktuba al unwan ala dhorf. Donc il dit j'ai oublié d'écrire l'adresse sur l'enveloppe. Unwan c'est l'adresse, dhorf c'est l'enveloppe. Ça peut avoir d'autres choses. En fait, un dhorf c'est tout ce qui contient quelque chose.

لما خلقنا الله تعالى خلقنا الله تعالى نعبده لي نعبده أيوة نعبده على مذكره pour qu'on l'adore نعم لما قام المدرس pourquoi le professeur s'est levé قام المدرس ليكتب على السبورة نعم le professeur s'est levé pour écrire au tableau لما تذهب إلى المكتب البريد الآن؟ Pourquoi vas-tu à la poste maintenant؟ أذهب إلى المكتب البريد الآن لأخذ لأخذ بقيتي. طيب. Je vais à la poste maintenant pour prendre un télégramme. عاشرا. لما تدرسون اللغة العربية يا إخوان؟ Pourquoi étudiez-vous la langue arabe mes frères؟ ندرس اللغة العربية لنفهم القرآن. نعم، نتجون اللغة العربية pour comprendre le Coran. وهذا أهم شيء. مفهوم هذا؟ اللي من التعليل؟ طيب. عاشرا. تأمل ما يلي. من هنا يبقى نذكرنا كوا؟ utilise le verbe أمكن يمكن qui est un verbe rubaï à 4 lettres. On avait dit quoi lorsqu'un verbe vient à 4 lettres, il commence par you. Alors, ce verbe-là, amkana, il est à la wazn af'ala. Donc il dit, مثلاً, la yumkinuka. طيب. الاصل, le kaf là, c'est un damir muttasil. À la base, c'est la yumkin, comme il l'a mis après. La yumkin, ce n'est pas possible. طيب. Et si je mets un kaf, c'est il ne t'est pas possible à toi. Et si je mets ou, la yumkinuhu, il ne lui est pas possible à lui. Et si je mets ni, avec une koya, la yumkinuni, il ne m'est pas possible à moi. Ainsi de suite. Vous voyez ? Donc il dit, la yumkinuka et la yumkin, entajisa huna. Il ne t'est pas possible de t'asseoir là. Hada makadu Othman. C'est la place de Othman. Donc ça, c'est une nafi. Et tu peux également employer une autre sira, une autre version, en disant mumkin. Tu connais mumkin ? Pour dire être possible. Là, c'est pas un verbe, c'est un nom. Ça, c'est un fa'il de ce même verbe, yumkin. Et c'est un fa'il, ça va venir après, inshallah. Tu vois ? C'est un nom qui, quoi, qui définit l'action du même verbe, sauf que là, il n'est pas lié au temps. Et mumkin, tu veux dire, par exemple, mumkin, hel mumkin en ajlis, est-ce qu'il est possible que je m'assoie ? Et tu peux dire, hel mumkinuni en ajlisa. Sauf que là, mumkin, c'est avec un mim, c'est un nom. Et là, yumkin, c'est le verbe directement. Donc là, après, il emploie avec quoi ? Une isbet, l'affirmation. Sanyen, yumkinuka, yumkinu, intakhruja mel fosse en. Vous voyez ? Donc, il était possible de sortir de la classe maintenant. Après, il a mis quoi ? Yumkinuka, l'khruj, mel fosse en. Et tu peux aussi employer avec le masdar directement. Quand tu dis yumkinu, par exemple, moi je te dis à toi yumkinuka en tajlisa huna. Il t'est possible de t'asseoir là. Je peux prendre la même phrase et au lieu de mettre en tajlisa, je mets le masdar directement. Je dis yumkinuka en julus huna. Parce qu'en fait, c'est ça que ça veut dire. Quand en est dans un verbe, tu l'interprètes par son masdar. Mais ça, ça viendra après, Inch'Allah. Mais là, tu vas comprendre que tu peux dire yumkinuka en masalen. تجلسه أو يمكنك الجلوس في المهم صنص ثالثا أي يمكنني أي يمكن أن أخذ هذه المجلة إلى البيت ما تشيل possible de prendre ce magazine à la maison رابعا أني مريض أو أبي أفون c'est pas أني je dis أني c'est bizarre qu'on se parle une fatha donc c'est أبي pas أني أبي مريض جدا mon père est très malade لا يمكنه أن يذهب إلى المصنع. Il ne lui est pas possible d'aller au masna, d'aller à l'usine. خامسا هذا يمكنه وهذا لا يمكنه. Cela est possible et cela n'est pas possible. Amen. Donne-moi une phrase avec يمكن. يمكنني أذهب إلى المسجد. عيد. يمكنني أذهب إلى المسجد. Bien ce que tu... Comment tu peux dire? Tu peux employer le masdar de Zahaba qui est Zahab. يمكنني الذهاب إلى المسجد. Tu peux dire les deux. Non. طيب, maintenant il va apprendre quoi? Utiliser منذ. طيب, منذ qui veut dire depuis. عادي عشر لدي تعمل الأمثلة لي منذ. Suis ou médite les exemples avec منذ. ما رأيت محمدا منذ يوم الجمعة. Je n'ai pas vu Mohamed depuis vendredi. Donc منذ il vient comment? مضاف. Et derrière lui ça vient quoi? مضاف إليه. Et attention, un truc très important, منذ, on l'emploie pour un temps défini, pour une période connue. Alors tu ne vas pas dire, il n'est pas permis, enfin permis. Il ne convient pas de dire par exemple, ma ra'aytu Muhammadan منذ ayamin. Je n'ai pas vu Mohamed depuis plusieurs jours. Plusieurs jours, on ne sait pas c'est quelle quantité de jours. Deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, on ne sait pas. Et منذ, il s'emploie pour un temps défini. Tu peux dire par exemple, ma raitu Muhammad منذ ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام عشرة عشرين سنة سنتين. Et un temps défini qu'on connaît, mais un temps mubaham comme ça, un temps abstrait qu'on ne connaît pas, on n'utilise pas منذ. Tu utilises min. Donc tu vas dire ma raitu Muhammad min أيام. Voyez, mais aujourd'hui sur beaucoup de gens vont pas faire attention à cette règle là, ils emploient منذ à tout va. Mais à la base منذ il est employé avec un temps défini. Voyez, un temps défini, qu'il soit long ou court, c'est pareil. ثانيا هو غائب منذ اسبوع. Il est absent depuis une semaine. Donc غائب c'est absent. منذ depuis اسبوع semaine. ثالثا نسكن في هذا البيت منذ سنة. Nous habitons dans cette maison depuis un an. رابعا هو مريض منذ رجوعه من بلدي. Il est malade depuis son retour de son pays. رجوع نظر de رجع احسنت. خامسا أعرف هذا الشيخ منذ خمس سنوات. Je connais ce cheikh depuis 5 ans. طيب donne-moi l'exemple avec منذ. أدرس اللغة العربية منذ شهرين. طيب. Et tu peux dire aussi منذ. Tu peux dire منذ et منذ. طيب tu peux dire منذ et منذ. Et منذ c'est un ظرف. Si on savoir. ظرف مكان وزمان. Zamen. Non. Et il ne change pas, la fin ne change pas. Toujours avec une Dhamma. Munzu. Voyez, pas Munza, pas Munzi, toujours Munzu. Maintenant, il va t'apprendre à quoi? À utiliser le verbe Ra'a. Qui veut dire voir. Voyez, Ra'a. Vous l'avez déjà appris. C'est un Ra, ensuite un Hamza Maftouha, et ensuite un Alif Maksoura. Tamel Mayali. Et quand tu utilises le verbe yara, voyez, et ben le hamza au milieu il tombe. Tu mets le ra direct et le alif direct. C'est comme ça que c'est écrit. Par exemple, il dit huwa yara. Voyez, il voit. Anta tara, tu vois. Ana ara, je vois. Nahnu nara, nous voyons. Et tu vois, comme tu peux le constater, le hamza au milieu, on ne l'écrit pas. Voyez, on ne l'écrit pas. Et ça, c'est parmi les verbes, je t'avais expliqué dans un autre vers. Donc le lem, c'est un harf al-illa, c'est-à-dire c'est un alif ou un waw ou un ya. Et là c'est quoi? C'est un alif. Ça va venir, inchallah, ces verbes-là, comment ils s'emploient. Taïb, est-ce qu'il y a après on le laisse dire parce que c'est un truc qu'il faut faire normalement. En prof avec des élèves en classe, ça ne nous convient pas. Donc on délaisse ce qu'il y a après. Salifan, ta'amel mayali. Il te dit Arju an tasmahali bil jolousi huna. Donc Arju, c'est bien, ça vient de quel verbe? Raja yarju, qui veut dire espérer. An, on l'a pris, c'est Tayeb. Et tasmaha, ça vient de samaha yasmahu, qui veut dire permettre, excuser, accorder. Li, harfojar avec le domir. Bi, harfojar. Jolous, masdar de asoir, qui veut dire assise. Et huna. Ici. Donc, comment tu traduirais? J'espère que tu me permettras de m'asseoir ici. Voyez? Fanyan, arju an tasmahali lahu afwan bil khuruj. J'espère que tu lui permettras de sortir. Ou que tu lui permets de sortir plutôt. Mandara bien. Falifan, arju an tasmahalana bil dukhul. J'espère que tu nous permets de rentrer.